Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 29 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Gildas. Ça vient du celte chevelure, du charme, de la classe, de l'élégance. Tel apparaît Gildas, qui est un homme raffiné, soucieux de plaire et d'être aimé. Le sentiment, la beauté, l'harmonie sont des valeurs qu'il recherche confusément, tant est important son besoin d'équilibre. Néanmoins, il est assez secret et réservé et se montre peu démonstratif dans ses rapports avec les gens. Sa sensibilité est importante, bien qu'en partie masquée par une froideur apparente ou par un sourire ironique au coin des lèvres. C'est aussi un homme actif et volontaire qui possède une intelligence pratique, des dons d'organisation et un esprit analytique et qui tente à être pointilleux. Souvent perfectionniste, voire maniaque, il ne supporte ni la médiocrité ni la bassesse. En fait, c'est souvent un inquiet, enclin à se poser des questions et qui est souvent attiré par la foi ou le paranormal, tout en étant aussi un sceptique convaincu, les deux tendances pouvant se succéder dans le temps du fait du set karmique. Il est intéressé par les domaines de la connaissance et vise à une certaine sagesse, mais il est tout autant tenté par l'épicurisme et le confort. Aussi oscille-t-il entre deux tendances, l'hésitation étant de toute façon une de ses caractéristiques. Dicton du jour, temps de Saint-Gildas, temps de glace. Pas de célébration internationale aujourd'hui. Dans les événements qui se sont déroulés un 29 janvier en 1861, le Kansas devenait le 34e état de l'Union américaine. En 1959, c'était la sortie de La Belle au bois dormant de Walt Disney. Et en 1962, le couturier Yves Saint-Laurent présentait sa première collection de haute couture. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le chanteur Adam Lambert et son titre What I Want From Me. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, I'm afraid. What do you want from me? For me, there might have been a time when I would give myself away. Oh, once upon a time, I didn't give a damn. But now, here we are. So what do you want from me? What do you want from me? Coming around, hey, what? Adam Lambert sur RJM, il est un peu plus de 8h36, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 29 janvier 1940, naissance de Katharine Ross, actrice américaine, connue pour son rôle d'Helen Robinson dans Le Lauréat et celui d'Etta Place dans Butch Cassidy et Le Kid. 1945, naissance de Tom Selleck, acteur américain vu au cinéma de Christophe Colomb, La Découverte, dans le rôle du roi Ferdinand le Catholique, mais connu pour ses rôles dans les séries télé telles que Les Feux de l'Amour. Dans quelques épisodes, il interprétait le rôle de Jed Andrews, vu dans la série Magnum, la série culte où il interprétait le rôle de Thomas Sullivan Magnum, vu également dans quelques épisodes de la série Friends, dans le rôle du docteur Richard Burke, vu dans Las Vegas également, dans le rôle d'A.G. Cooper, ou encore Blue Bloods, dans le rôle de Frank Regan. 1948, naissance de Mark Singer, acteur américain, vu dans la série télé Hawaii Police d'État, dans le rôle de Jeff Haywood, dans les années 80, dans la série V, dans le rôle de Mike Donovan, et apparu dans quelques épisodes de la série Arrow. 1954, naissance d'Oprah Winfrey, animatrice télé américaine, productrice, actrice, elle a plusieurs cordes à son arc. 1966, naissance de Romário, ancien footballeur brésilien ayant fait carrière de 1985 à 2009 en jouant au club de Vasco da Gama, au PSV Eindhoven, au FC Barcelone, au club de Flamengo, au Valence CF, de nouveau à Flamengo, de nouveau à Valence, de nouveau à Flamengo, ensuite à Vasco de Gama, à Fluminense, à Al Sadd, de nouveau à Fluminense, de nouveau à Vasco de Gama, au Miami FC, au club d'Adelaide United, de nouveau à Vasco de Gama, et il a terminé sa carrière de joueur en jouant au club de l'América RJ. Il a remporté la Coupe du Monde 1994, compétition d'ailleurs dont il fut nommé meilleur joueur. Il fut l'un des meilleurs joueurs de sa génération et l'un des buteurs les plus prolifique de l'histoire du football. 1968, naissance d'Edward Burns, acteur américain, connu pour son rôle de Richard Reben dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, vu également dans The Holiday dans le rôle d'Ethan ou encore Vincent Robb dans le rôle de George, c'était le marié. 1970, naissance d'Heather Graham, actrice américaine, vue dans 6 degrés de séparation, Austin Powers 2, Very Bad Trip 1 et 3 dans le rôle de Jade ou encore la série télé Scrubs dans le rôle du docteur Molly Clock. 1975, naissance de Sarah Gilbert, actrice américaine, connue pour son rôle de Darlene Connor Haley dans la série télé Roseanne, vue également dans la série Urgence dans le rôle de Jen Figler ou encore The Big Bang Theory dans le rôle de Leslie Inkle. 1982, naissance d'Adam Lambert, chanteur américain. 1988, naissance de Kylian Blanc, acteur français de doublage qui est la voix française régulière de Daniel Radcliffe, vous savez, Harry Potter dans les films du même nom. 1992, naissance de Joséphine Berry, comédienne française, fille de l'acteur Richard Berry, vue dans Moi César, 10 ans et demi, 1m39, dans le rôle de Sarah Delgado, et vue aussi dans le film L'Immortel, dans le rôle d'Eva. Et en 2008, on apprenait le décès de Philippe Corsan, comédien français, connu pour son rôle de Richard Matisse, le meilleur ami de Jacques, dans la saga Une famille formidable. Et on avait pu le voir également dans la série SœurTérèse.com, dans le rôle de Jackie Roche. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec Redbone. Come and get your love, Redbone, sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h43 et on fait un point météo. La météo. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on va passer la journée sous le soleil, ça va nous faire du bien. On va pouvoir prendre un petit peu de vitamines, alors il y aura quelques nuages, mais cela devrait être une journée très agréable, même s'il va faire froid. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, et entre 1 et 2 degrés prévus pour cet après-midi. Pour mercredi, on devrait commencer la journée avec quelques averses de neige, et ensuite on devrait avoir des éclaircies. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, entre 1 et 2 degrés prévus pour mercredi après-midi. Et jeudi, on démarrera la journée, mais alors vraiment très très tôt, avec des averses de neige encore, et qui se transformeront petit à petit en pluie. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, et entre 3 et 4 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de tennis avec le tournoi de Wahin, où nos Françaises hier ont été éliminées. Paquet s'est incliné en 2-7 face à Peng, 6-2, 6-3. Et Ferro s'est incliné en 3-7 face à Bartel, 6-1, 1-6, 6-4. Aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Brady et Pauline Parmentier sera opposée à Duane. À Saint-Pétersbourg, aujourd'hui, Alizé Cornet affrontera Pavluchenkova et Kristina Mladenovic sera opposée à Ostapenko. On va faire un petit point sur les classements ATP et WTA. Alors côté messieurs, ça n'a pas changé, Novak Djokovic est toujours numéro 1 mondial, suivi de Rafael Nadal. Le numéro 3 mondial a changé en revanche, il s'agit maintenant de Alexander Zverev qui gagne donc quelques places et il prend ainsi la place de Roger Federer qui se trouve numéro 6 mondial. Il a perdu donc 3 places. Le premier français c'est Lucas Pouille, hein, bien sûr, avec sa belle performance à l'Open d'Australie, il gagne 14 places, il est maintenant 17e mondial. Et côté féminin, c'est Osaka qui est numéro 1 mondial, suivi de Kvitova. Alep perd donc 2 places, elle est numéro 3 mondial. La première française, c'est Caroline Garcia à la 19e place. Un mot de ski alpin maintenant avec ce soir une manche de Coupe du Monde en Autriche. Et est-ce que Clément Noël va remporter sa 3e victoire consécutive? Eh bien, réponse ce soir. En football, en Ligue 2, ce soir, c'est le derby. Metz reçoit Nancy. En basket, en National 1, ce soir, le Jet Je reçois le club de Andrézieux. Et en NBA, cette nuit, l'équipe de Charlotte, de Tony Parker et de Nicolas Batum s'est imposée 101 à 92 face à l'équipe de New York de Tilikina. A noter que Tilikina n'a pas joué puisqu'il est blessé. Et Tony Parker a inscrit 15 points et Nicolas Batum 6 points et 6 rebonds. Et on termine avec du handball, une information concernant Cyril Dumoulin qui était sorti sur blessure. Il a donné de ses nouvelles hier sur les réseaux sociaux notamment. Et bien, il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, ça fait mal. Malheureusement pour lui, sa saison est donc terminée. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec la dernière pépite d'Amir, hein, intitulée « Longtemps ». Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent, où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent.